c'est ce que je veux. J'ai souffert à perdre les cheveux. Je reste debout, c'est ce que je veux. Je passe tout droit, c'est ce que je veux. Je vais te faire chier ce que je peux. J'ai souffert à perdre les cheveux. Je reste debout, c'est ce que je veux. Toi, tu me fais le matin, tu me demandes une photo. Je pourrais être ton père, je pourrais être ton frère, je pourrais être ton poteau. Je ne sors plus trop, je me sens traqué dans l'auto. Tu me casses les couilles, il a matraqué dans le dos. Dédicace à Team Jules qui m'ont soutenu, qui m'ont pas lâché. Ils m'ont contrôlé, m'ont niqué du chiffre, j'avais mal caché. J'fais des love, gros dans l'égal, j'fais des love. J'fais des love, gros dans l'égal, j'fais des love. Le flic me nargue, je rigole. J'fais comme j'veux. Au feu rouge, ils m'voient, ils s'affolent. J'fais comme j'veux. J'peux me dire ce que tu veux, j'en ai rien à faire. J'fais comme j'veux. J'nique tout, j'nique tout, j'en ai rien à faire. J'fais comme j'veux. J'en ai rien à faire, je suis comme je veux. Je nique tout, je n'ai rien à faire. Je suis comme je veux. J'ai des love, gros dans l'égal, j'ai des love. J'ai des love, gros dans l'égal, j'ai des love. En ce moment, il y a tout qui m'énerve. En ce moment, il y a tout qui m'énerve. Ils jouent tous avec mes nerfs. Ils jouent tous avec mes nerfs. En ce moment, il y a tout qui m'énerve.